pour accéder à cette non-dualité, à cette non-identification, à cette non-égoïté, ça va demander d'abord de commencer par une assise. Une assise qui est motivée, une assise qui est nourrie par la foi de vouloir se réaliser dans cette paix, dans cette harmonie. La méditation a vraiment un but bien précis. La méditation est un état. C'est un état de réalisation. Pour y accéder, ça va demander de demander à son esprit de se concentrer. Et cette concentration n'est absolument pas facile à développer, à atteindre. C'est une gymnastique de l'esprit qui demande du temps, beaucoup, beaucoup de temps. Alors pour ça, il y a tout un tas de stratégies, puisque l'esprit qui, dans ces stades très primaires du développement, parce que à un moment donné, il a ce déclic de vouloir s'éveiller spirituellement, donc il est un peu cet enfant qui doit apprendre à marcher. Là, l'esprit, peu importe l'âge, doit apprendre à se canaliser et à se concentrer. Et ce n'est pas une question d'âge, de maturité, de connaissance, d'expérience de vie. Non, c'est juste que comme l'esprit est au service de l'ego, en tant qu'instrument de l'ego, en fait, il est complètement agité et enfermé dans ses limitations. Donc, ça va demander une forme de dévotion, de volonté ardente, poussée, forte, de pratiquer, d'étudier et de surtout de ne pas s'identifier. Alors ça, c'est un peu le piège. Alors pour ça, il y a des exercices, des stratégies qui vont permettre de développer cette concentration. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile de commencer sur des objets externes, extérieurs à soi. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre du courant, ça va dépendre de votre enseignant, de ce qu'il va vous enseigner, comment, ou si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de courant ni d'enseignant. Alors, si vous n'avez ni courant ni enseignant et pas de pédagogie autour, pas d'enseignement, il est bien de faire des petits exercices. Hein. Tout va dépendre un petit peu de la voie qui s'ouvre à vous. D'une façon générale, pour les gens qui sont un petit peu, les personnes qui sont un petit peu en autonomie, c'est bien de passer par des objets externes de concentration. Tout d'abord, d'observer, d'apprendre à se poser et à observer. Vous pouvez observer une flamme, une fleur, un paysage, juste apprendre à observer. Déjà, ça va orienter votre esprit vers un point, même s'il est externe à vous. Donc ça, c'est intéressant. Hein? De voir un petit peu comment ça se manifeste. Donc, quand vous observez ce point, il y a une partie de vous qui est aussi l'observateur. Hein? Vous vous observez en train d'observer l'objet et de voir vos réactions. Est-ce que ça crée de l'agitation? Est-ce que ça crée du calme? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce qu'au bout de quelques secondes, vous en avez marre? Est-ce que vous vous posez 10 000 questions ou pas? Ou est-ce que ça vous plaît? Voilà. Donc ça, ce sont vraiment, vraiment les premiers pas. Et c'est très intéressant. Lorsque l'étudiant, le méditant, l'étudiant, hein, puisque d'abord il va étudier la concentration avant d'ouvrir les portes à la méditation. Donc l'étudiant va passer par tout un tas de stades. Il est recommandé, fortement recommandé, d'avoir un enseignant, un courant ou un enseignant pour vous enseigner aussi, pour vous donner de la nourriture qui fait qu'il va y avoir certaines transformations qui vont s'accomplir et où cette gymnastique de l'esprit, elle va, et notamment à travers l'étude de la concentration, va permettre à cette nourriture spirituelle de rentrer, de s'intégrer et de faire son petit ménage à l'intérieur. Si vous étudiez la méditation sans être guidé, vous allez vous perdre, il y a de fortes chances. Parce que vous ne savez pas où aller. Surtout, vous ne savez pas qu'il y a nulle part où aller. C'est ça qui est intéressant. Parce que si on vous enseigne pas que tout se manifeste dans la spontanéité, si on vous enseigne pas comment lâcher prise, si on vous enseigne pas de ne pas vous connecter à quelque chose en particulier trop rapidement, comme le souffle, ou voilà, si on vous guide pas un petit peu, bon, bah l'ego, il va vouloir, comme il est égaré dans tout ça, il va vouloir aller là où il lui semble juste d'aller. Donc, c'est bien d'être guidé. Donc, vous avez des tas de petits exercices que vous pouvez trouver sur des applications, sur Internet. Voilà, ça peut être très intéressant de vous amuser avec ça. Ceci dit, ça ne va pas vous amener à l'état de méditation. C'est vraiment juste pour vous entraîner, pour développer un petit peu la concentration de l'esprit. Alors, à l'école, dans l'école Kaladvaita, j'enseigne une méditation bouddhiste, qui est la méditation Dhyana, qui est une méditation qui est quelque part très cadrée, mais qui est très spécifique et très difficile, qui demande beaucoup de volonté. Et elle passe par la vigilance, elle passe par l'observation. Donc là, dès le départ, je dépose l'élève sans trop de recommandations particulières, si ce n'est lui apprendre à observer ce qui se passe dans le ici maintenant, dans son esprit, dans son organe mental. Et plus il avance dans cette observation, plus je lui demande de ne pas intellectualiser les phénomènes. Ça va faire l'effet un peu d'un enfant en colère qui, à force de crier, va finir par se fatiguer. Puis, au bout d'un moment, une fois qu'il aura assez crié, alors pour certains enfants, ça va être au bout de 5 minutes, pour d'autres, ça va être au bout de 2 heures, ça demande de la patience, mais il va s'endormir parce qu'il sera éreinté. L'esprit agité, c'est pareil. À force d'être agité, de tourner dans tous les sens, lorsqu'il comprend qu'il tourne pour rien dans tous les sens, il va finir par se calmer. Et à partir de là, les intentions, elles changent. C'est-à-dire que dans cette première vigilance, il y en a 7, dans cette première vigilance, il y aura cette vigilance à l'instant présent. Et ça, c'est l'étude de la concentration. C'est pas un état de méditation. Ou ce n'est pas un état méditatif. Voilà. C'est toujours, ça s'appelle un préliminaire d'installation. Et donc, l'esprit va se situer, va se positionner, va s'installer dans le ici et maintenant. Et petit à petit, les phénomènes vont se manifester, à savoir que les sens vont diminuer. La sensation corporelle va diminuer par conséquent. La notion d'identité, de je suis un homme, je suis une femme, de mon travail, de ma famille, de tout ça, ça va disparaître. Le temps, bien sûr, de l'exercice. Vous inquiétez pas, après vous allez retrouver tout votre petit monde. Et en fait, il y a cette désidentification qui se met en place parce que les sens diminuent. Alors ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Juste la première vigilance. C'est-à-dire que c'est le premier préliminaire d'installation. Il y a 4 préliminaires d'installation, puis après il y a d'autres états qui se manifestent. Donc là, avec cette patience-là, sans vouloir aller trop vite, en pratiquant quotidiennement, l'esprit va apprendre à se concentrer. Et non seulement il va apprendre à se concentrer, mais à force de nourrir le calme, de plus en plus calme, bah ce calme, il va transcender. Ce qui fait que votre esprit va être de plus en plus calme. D'où la nécessité de recevoir des enseignements à côté qui vous enseignent comment aller vers cette dissolution de l'ego et vers ses vertus, vers ses qualités. Parce que vous comprenez que les deux évoluent ensemble. puisque mon esprit, il crée de l'espace, il crée du calme. À partir de là, l'ego, lui, est de moins en moins puissant, et donc l'esprit peut reprendre son pouvoir. Et petit à petit, l'esprit ne sera plus l'instrument de l'ego. Mais l'ego ne sera là que, on va dire, qu'en arrière-plan pour gérer les activités quotidiennes, pas plus. Et l'esprit aura repris toute sa puissance, il va pouvoir se déployer. Il a d'énormes capacités, l'esprit. L'ego, non, il est très limité, lui. Vous avez bien vu, hein. Je m'appelle, je suis un homme, une femme. C'est très limitant, ça. C'est juste limité à, voilà, à cela, quoi. C'est tout. Et pourtant, il en fait toute une montagne, hein. Parce que quand il va avoir raison, il démord pas, hein. Il est capable de crier très fort pour ça, de bouder, de faire plein de choses, de se mettre en colère. Hein? Donc c'est intéressant de cultiver cette gymnastique, hein, de l'esprit, pour que l'esprit reprenne sa force, sa forme, sa puissance, que l'ego se ramollisse, pour créer un équilibre qui tende vers le calme et vers l'harmonie et vers la paix intérieure. Une fois que vous faites cela, vous avez plus besoin de médecins, de thérapeutes, de psychologues, de tout ça, parce que vous nourrissez le calme et l'harmonie. C'est le remède le plus puissant d'auto-guérison que l'humain a à sa portée. Ça demande de l'entraînement. Et tout ça aujourd'hui, c'est plus que largement prouvé scientifiquement, bien entendu, pour ceux qui sont encore cartésiens sur certaines choses, et il n'y a pas de problème. Mais il y a des tas d'ouvrages, vous pouvez regarder des reportages à la télé, tout est déjà bien prouvé et scientifiquement validé. Donc voilà, et là vous allez passer d'étape en étape, parce que spontanément, une fois que ceci est complètement accompli, vous allez passer à la vigilance numéro 2, et puis spontanément à la vigilance numéro 3, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réalisation et l'état de méditation se manifestent. Alors bien sûr, ceci est un courant qui est très difficile. C'est d'ailleurs à travers cette méditation de jhana que Siddhartha Gautama, le Bouddha, a trouvé l'éveil. Et puis il y a d'autres méditations bouddhistes, et puis il y a des méditations aussi qui sont, alors, le mot méditation, c'est un mot un petit peu qui englobe tout, hein, bien sûr, ce sont plus des états de concentration, mais qui amènent aussi à travers des visualisations, à travers des intentions, voilà, des méditations qui vont être parlées ou chantées, donc accompagnées, guidées, où vous allez pouvoir orienter aussi votre pouvoir de l'intention vers tel ou tel objet. Et ça aussi, c'est très intéressant. Ce sont des très belles pratiques. Mais dans ces pratiques-là, vous n'allez pas développer la puissance d'un état concentré, puisque c'est guidé. Donc, on ne demande pas à l'esprit de faire certains efforts. Donc, on ne peut pas appeler ça le mot méditation, il est un peu galvaudé. Voilà, là, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est guidé, hein. Donc c'est plus de la relaxation, c'est de l'intention, c'est de la visualisation guidée, et là c'est OK. Là aussi vous avez des tas de d'applications ou même après vous pouvez retrouver ça aussi dans certaines shangha bouddhistes ou à travers des mantras, à travers voilà. Ça va vous amener, mais à partir du moment où vous êtes rentré dans cette voie spirituelle et que vous portez l'intention, que vous savez ce que vous devez visualiser. Donc, ce sont des rituels qui n'arrivent pas comme ça spontanément du jour au lendemain. Parce qu'il y a toute une symbolique derrière après. Tout dépend quel courant vous pratiquez, quelle voie se manifeste à vous. Et là, vous verrez que d'un courant à un autre, il y a des symboliques qui sont complètement différentes. Donc déjà, si vous vous pratiquez sans être dans un courant spirituel. Vous pratiquez parce que vous sentez que ça vous fait du bien. C'est déjà magnifique. C'est extraordinaire même. D'avoir cette prise de conscience là, de se dire, je me prends un quart d'heure, une demi-heure, une heure, le temps que vous voulez y consacrer pour vous faire du bien et pour aller vers cette voie du calme. Ceci dit, c'est quand même intéressant de savoir ce que l'on fait. Voilà. Donc, il y a toute une palette de possibilités. Maintenant, pour ceux qui sont vraiment des chercheurs et qui veulent expérimenter à travers l'état de concentration, et ce sont des étapes qui amènent à des réalisations, ça demande de passer par certains caps. Voilà. Donc d'abord, le débutant, il commence, je le répète, par des objets externes. C'est plus facile, on appelle ça des objets grossiers. C'est beaucoup plus simple de se concentrer sur quelque chose qui est à l'extérieur, que l'on peut voir ou toucher, ou sentir. Et ça permet déjà d'orienter l'esprit, de le canaliser vers un seul point, focus. Ça, c'est vraiment important. Donc, à vous de, petit à petit, par quoi vous commencez. Admettons, s'il y a une flamme devant vous, une bougie, vous vous concentrez sur cette flamme. Et puis, si vous voyez qu'au bout de quelques secondes, il y a des pensées qui arrivent, des conceptions, des images, vous arrêtez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à se contracter de quoi que ce soit, il n'y a pas à figer l'image, et puis vous voyez que là, l'image, elle passe, et puis vous vous remettez sur votre bougie, et puis vous commencez comme ça à faire ces petits allers-retours, et petit à petit, vous allez avoir la conscience qui va se développer, cette conscience qui va dire, c'est l'observateur derrière, il va dire, allez, t'as quitté la flamme là, retourne-y. Voilà. Et ça se fait. Voilà, c'est l'évolution, c'est le progrès. Et petit à petit, les yeux, la concentration, le regard va être fixé sur cette flamme et ce sera parfait. Maintenant, si vous commencez à vouloir identifier la flamme, ce qui se passe, les formes que vous y voyez, vous recréez de l'agitation. Donc, ça demande d'observer, mais de ne pas identifier, de ne pas intellectualiser ce que vous voyez. C'est là où c'est subtil et c'est là où c'est un petit peu compliqué. Donc le débutant, lui, forcément, tout de suite, il va pas réussir à faire ça. C'est normal. Ça demande un peu d'entraînement. Une fois que vous avez comme ça fait des objets externes, après vous passez à des exercices internes. Admettons, vous pouvez fermer les yeux et puis vous dire, je vais compter jusqu'à 100. Mentalement. Les yeux fermés, la bouche fermée, je compte mentalement jusqu'à 100. Et dès qu'il y a une image qui passe ou une idée où je perds le fil de ce comptage, je recommence à zéro. Alors ça, ce sont des jeux aussi qui sont intéressants pour apprendre justement cette gymnastique de l'esprit à concentrer l'esprit. Donc vous êtes là et puis vous vous amusez, vous fermez les yeux, vous comptez mentalement, 1, 2, 3, dans votre tête. Et puis à un moment donné, vous savez pas pourquoi, vous êtes en train de penser aux courses que vous devez faire dans 3 heures. Zut, perdu. Allez, je recommence à zéro. Waouh, à 3 seulement. Oh, allez, j'y retourne. Puis vous allez voir, l'ego, il va se manifester un petit peu. Il va dire, allez, il faut que j'aille plus loin que 3, c'est pas possible, je suis nul. Et puis Et puis il y a les égos qui vont, ils vont voir une petite pensée, puis tac, tout de suite, ils vont se reconnecter, ils vont dire, ça compte pas, allez, je continue, super, allez, tac. Puis ils vont tricher un peu, c'est très rigolo, à voir tout ça, comment ça se manifeste, parce que l'ego, il veut vraiment réussir, quoi. donc il y a un moment donné, dans cette pratique, dans toutes les pratiques spirituelles, ça demande d'avoir cette intégrité dans la pratique, puis se dire, c'est pas grave, même si je suis à 3, puis je recommence, et puis demain je serai peut-être à 4 ou pas, ou peut-être demain je serai à 2, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est de pratiquer avec bienveillance, et quelque part c'est comme un jeu, c'est pas de se prendre au sérieux, sinon autrement ça va pas le faire. On est déjà passé dans des objets internes puisque c'est mental, et puis il y a comme ça aussi une palette d'exercices que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi aller sur le Facebook du groupe Kadvaita où il y a méditation, méditation, c'est-à-dire il y a plein de petits exercices de méditation toutes les semaines ou tous les 15 jours, qui sont là. Je suis pas très bon pour ça, Nathalie, je suis désolé. Et donc, Et voilà, donc vous pouvez aussi avoir des informations à ce niveau-là. Et ça, c'est super. Ça va plus loin après. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont pratiquer du yoga, par exemple. Et c'est pas pour autant qu'ils rentrent dans un processus spirituel. Mais ils pratiquent le yoga parce que ça leur fait du bien corporellement, ça leur fait du bien psychologiquement, puis ils apprennent des choses. Voilà, et ils sont dans une pratique dite asanique. Ok. Et donc, l'enseignant, au début, il fait cette assise et il va créer ce sas, comme un sas de décompression un petit peu, et entre l'activité de la journée et puis le début de la séance, il va créer un sas, et généralement, il va chanter le Om, voilà, un mantra. C'est un bija mantra, c'est un mantra très, très, très court, le Om. Ça, vous pouvez vous amuser, voilà, à chanter le Om. Alors, c'est déjà... Alors, vous pouvez le chanter de façon, dans un premier temps, à voix haute, hein. Et puis après, une fois que vous êtes habitué, vous pouvez le chanter en interne, mentalement. Et vous allez voir que, amusez-vous à chanter un mantra court pendant, je sais pas, pendant 10 minutes. Aum, aum, aum. Voilà, puis vous y allez, hein, y a pas de souci. Vous allez voir, ça va vous mettre dans un état de concentration. Donc, c'est très intéressant aussi, parce que l'état, si vous voulez, là, tout de suite, l'esprit, comme c'est verbal, que c'est court et que le Om, et notamment le sanskrit, qui est une langue divine, hein, a une résonance, ce Om, très particulière, vous allez voir que cette résonance, ça va vous mettre dans un état de concentration. Donc, ce sont des aides, c'est-à-dire que ça, ce sont des raccourcis. Hein. Mais je ne peux pas toujours prendre des raccourcis. Pour le chercheur, il va devoir passer par, voilà, comme dans la méditation de Jhana, par les choses un peu plus difficiles. Forcément, là, il n'y a pas de raccourcis. Là, on est brut de pomme et puis on attaque par l'observation. Donc, ça prend du temps, ça demande de la motivation. Mais à côté de ça, vous pouvez aussi faire ce genre d'exercices qui vont vous faire beaucoup de bien. Et une fois que ce chant il résonne en vous, bah après vous pouvez passer à des mantras, d'autres mantras, d'autres bija mantras, des mantras courts. Vous pouvez aussi chanter des mantras un peu plus longs, hein, et vous connecter au mantra. C'est-à-dire que c'est là où ça devient intéressant et puissant, c'est que le mantra il a une signification très particulière. Et souvent le mantra il est accompagné d'une visualisation. Donc ça va vous demander après de visualiser, de porter votre intention sur le mantra et à partir de là, voilà, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Vous pouvez aussi utiliser un mala pour faire ça. Vous voyez, un mala comme ça, voilà. C'est-à-dire que sur un mala, voilà, il y a 108 perles, donc on va pas parler de la symbolique hein, ce soir, mais ça c'est le point zéro. Donc je peux prendre mon mala comme ceci et puis voilà, je sais que je vais faire, admettons, 5 malas. Et puis voilà, j'ai les yeux fermés, je suis bien installé, j'ai mon mala dans la main. Et puis, voilà. Et je n'ai pas besoin de compter. C'est-à-dire que quand j'arrive à ce petit plumeau au bout, ben je sais que j'ai fait un mala complet. Voilà. Et si j'ai dit que j'en fais 5, ben je fais 5 fois ça. Et je répète mon mantra. Voilà, donc le mala, il sert à cela. Il sert à chanter des mantras sans avoir besoin de les compter. Voilà, parce que c'est comme un boulier chinois un petit peu, c'est pareil. Après, il y a une symbolique bouddhiste derrière, mais voilà, c'est pas le sujet de ce soir. Hein. Donc, autant d'objets qui vont vous servir à vous concentrer. Maintenant aussi, on peut passer par d'autres objets. Vous pouvez prendre un mandala colorié, par exemple, et puis vous amuser à le colorier avec le plus de précision possible. Vous pouvez aussi prendre une feuille d'écriture, hein, ou un cahier d'écriture, prendre un mantra ou une phrase qui vous fait du bien, et puis l'écrire pendant, vous dites, voilà, pendant une demi-heure, je fais de l'écriture. Et à chaque fois que je vais écrire, je vais m'appliquer le plus possible. Vous allez développer d'énormes qualités en faisant ça. Mais en même temps, vous allez développer la concentration. Donc, pour atteindre ces états de méditation, l'esprit doit être concentré. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'état de méditation. Hein? Donc, c'est pas parce que vous êtes sous des arbres, dans la nature, allongé, que vous fermez les yeux et que vous êtes complètement en train de planer que c'est un état de méditation. Pas du tout. L'état de méditation, c'est vraiment un état très particulier. C'est un état de réalisation. Hein? Donc voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce qui ne veut pas dire que lors d'un exercice de concentration, vous ne pouvez pas l'atteindre comme ça, un petit moment de grâce, et puis tac, repartir. Hein? Mais ce sera toujours instable. Parce que l'esprit ne sera pas assez concentré. Une fois que cette concentration, elle commence à se manifester, donc mois après mois, année après année, il y a un état, ça s'appelle l'état de concentration. En sanskrit, on appelle ça dharana. Et cet état de concentration, c'est comme une enveloppe. C'est-à-dire que l'esprit, il baigne dans cette concentration. Ça y est, l'esprit, il est catalysé, il est clair dans cette concentration. Et une fois que cet état, il est vraiment déposé, vous avez accès, quand vous le souhaitez, à cet état de méditation. Plus l'esprit est calme, plus l'esprit va vers la clarté, plus l'accès à cet état de méditation, donc à ce silence intérieur, est là, est présent. Ça demande du temps et de l'entraînement. Quel est cet état? C'est un état de paix, c'est un état de calme, c'est un état de tranquillité, d'harmonie. Il n'y a plus d'agitation, c'est-à-dire que il n'y a plus de pensée à ce niveau-là. Tout s'est arrêté, tout s'arrête. L'esprit retrouve sa nature subtile et ultime, c'est-à-dire la clarté et l'omniscience, la pureté. C'est la vacuité, le vide. Donc, cette méditation, elle est, il n'y a pas de mots, mais je dirais qu'elle est ultra, hyper, méga thérapeutique. Puisque dans cet état de méditation, vous êtes capable d'arrêter complètement l'agitation de l'ego, hein, de l'esprit. Imaginez un petit peu comment vous pouvez vous ressentir avec cela. Parce que c'est fatigant d'avoir un esprit qui est toujours agité. C'est fatigant d'un esprit qui est toujours en train de se manifester, de se projeter, de devoir parler. Alors vous allez dire, oui, mais bon, on vit dans une société, la vie sociale, c'est ça. Oui, bon, ben, vous avez le droit. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui veulent expérimenter ce silence, ce calme et cette paix, voilà, ça demande du temps, de la persévérance, d'avoir la foi dans le processus. Alors c'est sûr que ça, c'est pas à travers une application que vous allez trouver ça, hein, ça on est d'accord. Mais l'application va peut-être vous servir à faire les premiers pas et c'est très bien. Donc je vous invite à, pour ceux qui sont pas forcément dans l'école, mais de vous rapprocher de ces compréhensions-là et des enseignements qui vont avec, pour comprendre la nature de l'ego, pour comprendre l'illusion, pour comprendre l'impermanence, pour comprendre... Parce que tout ça, ça va vous amener à cette compréhension de la vacuité, ça va vous amener à la compréhension de cette réalité dite suprême ou absolue, de sortir des vues erronées, d'avoir une connaissance qui sera comme une guidance et où l'expérience de la méditation va venir valider tout ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez à valider s'il n'y a pas la connaissance? Vous ne pouvez pas savoir. Et du coup, comme vous ne savez pas, bah vous imaginez plein de choses. Et c'est là où l'ego spirituel rentre en jeu, c'est-à-dire qu'il croit avoir atteint certains états, certaines choses, mais pas du tout. D'où la connaissance et l'expérience. Hein? Les deux ensemble font grandir. Et c'est ça qui est magnifique. C'est très puissant. Hein? Donc, qu'est-ce qui va faire que tout ceci va fonctionner? Et c'est là un petit peu la difficulté, la spécificité. Certes, il y a cette dévotion, cette motivation pour étudier, et celle-ci, elle doit être grande, qui amène à une réelle motivation de réalisation, et ça, ça doit être très puissant. Mais pour autant, une fois qu'elle est là, cette motivation, il est bon de la lâcher, parce que sinon, l'ego va toujours vouloir atteindre quelque chose. Et c'est là où ça demande d'avoir du mental pour qu'à chaque pratique, je n'attende rien, je n'aille rien chercher et je ne me projette dans rien, je n'identifie rien. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que l'ego, lui, il veut tout analyser, il veut tout comprendre, il veut se projeter, il veut réussir, il veut donner un sens à ses actions. Mais non. C'est pas possible, ça ne fait que créer de l'agitation. Donc faut bien comprendre les subtilités. C'est pour ça qu'un enseignant, c'est précieux. Pour vous rappeler ça, pour vous guider dans ces mécanismes-là, parce que vous allez être confronté à ça, c'est automatique. Mais parce que vous l'entendez, parce que ça vous est enseigné, vous allez pouvoir interagir avec ça, et puis petit à petit, voilà, à chaque rentrée, quand vous pratiquez d'assise silencieuse, bon, ben, vous vous conditionnez en disant, bon, allez, je ne m'identifie pas, je ne vais rien chercher, tout est là dans le ici, maintenant. OK. Je pratique, je fais mes 15 minutes, ma demi-heure, mon heure, peu importe. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis connecté à la joie de pratiquer. Et quand le réveil sonne, eh ben, voilà. Gratitude, merci, je me lève et je vais faire autre chose. Et je suis pas en train de me dire, oh là là, il s'est passé ça, nanana, c'était pas bien, ou alors, ah, oh, c'était génial, là, j'ai ressenti un truc à un moment donné, mais comment vous pouvez concevoir d'être dans un état dit de méditation si vous commencez à concevoir cet état de méditation? C'est pas possible. C'est que vous êtes juste dans l'agitation et dans la projection de cet état. Faut bien comprendre ça. L'état de méditation, vous vous en rendez compte que seulement quand vous vous en sortez. C'est un peu comme le sommeil. Vous savez jamais quand vous y rentrez, mais vous savez seulement quand vous en sortez. L'état de méditation, c'est pareil. Seulement, il ne doit pas y avoir d'identification avec un état poussé, subtil de concentration. Donc ça viendra après au fur et à mesure, avec la pratique. Hein? Donc, vous devez être dans cette neutralité quand vous commencez votre pratique. Et c'est juste un élan du cœur. Et vous verrez que les états de concentration vont se mettre en place. Et après, votre esprit, toute la journée, va être concentré. Ce qui veut dire que si l'harmonie, le calme intérieur, c'est votre objet de concentration, ben quoi qu'il se passe autour de vous, spontanément, vous allez être concentré sur ce calme et sur cette harmonie. Donc du coup, ben vous allez être sous l'influence de ce qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez le fonctionnement, le mécanisme? Plus je vais être concentré, plus je vais porter mon attention sur des qualités, plus je vais pouvoir garder ces qualités. Moins je suis concentré, plus je suis dans l'agitation, plus les fluctuations de l'ego se manifestent. C'est simple. C'est tellement évident. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est tellement simple que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour ça. Il y a juste besoin d'avoir quelques enseignements et puis surtout d'avoir cet élan du cœur de vouloir pratiquer parce que si j'en ai assez de souffrir, c'est pas en allant voir le psy tous les jours ou le thérapeute ou en faisant 10 heures de yoga par jour que je vais arrêter de souffrir, hein. Parce que dès que je vais sortir du thérapeute ou je vais arrêter ma pratique, bah, si mon esprit il est agité parce que il a pas eu cette gymnastique là, bon ben, forcément, tout de suite, il y a toujours un petit temps, bien sûr, une inertie dans le bien-être après chaque pratique, hein, mais après ça revient. Parce que cet état, il n'est pas déposé, cet état de concentration. En ce qui me concerne, je préfère pratiquer que de dépendre, ben, d'un médecin ou voilà, ou de quelque chose de l'extérieur. Je deviens quelque part mon propre thérapeute. Et si j'ai des agitations ou que je me mets en colère ou que ben je m'en prends qu'à moi-même. Voilà. En aucun cas, c'est la faute de l'autre, ou en aucun cas, c'est la faute du système. C'est juste mon esprit qui n'était pas dans le calme. Et je m'en prends qu'à moi-même. Parce que j'ai cette conscience-là. Alors imaginez pour les personnes qui n'ont pas cette conscience-là, où l'ego, ben l'ego il est très puissant et l'esprit est complètement l'instrument de l'ego, mais aux ordres, c'est impossible de concevoir ça. Il y a une telle dualité. Donc voilà à quoi va vous amener cet état de concentration et voilà où vont vous amener les enseignements qui vont être additionnés à cette pratique. Et puis à côté de ça, forcément, ça va vous ouvrir des portes à une alimentation plus saine. Je vous le souhaite pleinement à la pratique de yoga, par exemple, d'aller marcher, parce que ce sont des pratiques qui sont extraordinaires, hein. Si on ramène le yoga dans son berceau, c'est-à-dire au cœur même de l'Advaita, c'est ultra puissant. Là, ça demande aussi de s'ouvrir spirituellement et vous vous rendrez compte que la partie asanique, c'est une toute petite partie par rapport à l'immensité du yoga parce que tout est yoga. Et on retrouve cette union, on la retrouve partout. Que ce soit dans l'Advaita Vedanta, que ce soit dans le bouddhisme, que ce soit dans toutes ces philosophies non duelles, de toute façon, c'est l'union qui crée la totalité. Et c'est fabuleux. De quoi d'autre avons-nous besoin? Mais ça demande déjà d'avoir certaines ouvertures, une certaine conscience du soi, de soi-même, de la totalité. Et surtout une volonté de ne plus vouloir souffrir, de ne plus vouloir se faire souffrir. Ce qui se passe à l'extérieur, on ne peut pas l'éviter. La guerre, la haine, la violence, tout ça, on ne peut pas l'éviter. Par contre, là où je peux interagir, c'est avec moi-même. Comment je vais percevoir tout ça? Et ça, c'est ma responsabilité, ça m'incombe. Donc si mon esprit n'est pas entraîné à avoir une certaine distance avec ce qui se passe autour, parce qu'il va être concentré, ben forcément il est directement en interaction et il prend tout pour argent comptant. Donc ça crée beaucoup, beaucoup de souffrance parce qu'il y a beaucoup d'identification. Ce qu'il y a à l'extérieur de vous ne vous appartient pas. Même si vous croyez être en interaction avec, parce que après il y a les liens d'attachement, il y a tout un tas, vous allez voir, il y a tout un tas de process, de phénomènes qui sont là et qui sont très complexes. Et puis c'est surtout les empreintes, parce qu'on ne nous a pas enseigné tout ça tout petit. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc quel que soit le système philosophique dans lequel vous rentrez, quelle que soit la pratique dans laquelle vous rentrez, et même si vous rentrez dans une pratique sportive, apprenez à développer cet état de concentration, apprenez à méditer. Voilà, ça c'est votre salut, c'est la paix intérieure, c'est la grâce, c'est divin. Quoi que vous fassiez, pratiquez. D'abord, s'asseoir, ça coûte rien. Alors, même si c'est sur une chaise, hein, pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir sur un traversin par terre en tailleur, qui ont certains handicaps, ben, vous mettez sur une chaise, il n'y a pas de souci. Je vous déconseille la position allongée, hein. C'est une position qui est faite pour dormir. Donc, faut pas oublier qu'il y a quand même des empreintes, hein, sur le plan cérébral. Donc, lorsque le corps il s'allonge, hein, c'est pas pour faire des mathématiques, hein. Donc c'est encore moins pour faire la méditation. Généralement, c'est pour se reposer, pour dormir, hein, pour se relaxer. Donc la méditation, c'est un état très actif. Ce n'est pas une relaxation, la méditation. Hein, c'est une concentration sur un point, donc ça demande de la vigilance. C'est pour ça qu'on emploie le mot vigilance. Donc quand vous vous mettez sur votre tapis pour apprendre à méditer, c'est un peu comme quand vous vous préparez pour aller faire une séance de sport, c'est-à-dire, ou une séance de yoga, c'est-à-dire que voilà, vous savez ce que vous allez faire là. Ça va vous demander de l'énergie. C'est de l'action. Même si le corps, il est dans l'inaction, mais le mental, lui, il est dans l'action. Et pas n'importe laquelle. C'est pour ça qu'au début, les temps, ils sont très courts. Parce que ça fatigue énormément. Et tout ça, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment étudier, hein, qui sont sur les réseaux, qui sont en ligne, rapprochez-vous de l'école Kaladvaita, rapprochez-vous. Et puis voilà, venez prendre des informations, des renseignements. Et puis pour les élèves qui sont déjà dans l'école et qui sont ici en Zoom, bah, approfondissez, même si au début, je vous donne pas beaucoup d'informations, c'est pour pas justement vous perturber et vous projeter dans des choses, c'est pour vous laisser dans votre agitation, un peu dans votre jus, pour que vous puissiez comprendre d'abord la nature de la contraction. Vous devez absolument comprendre la nature de l'agitation et ne pas la combattre, ne pas lutter, au contraire, l'accueillir. Parce qu'elle fait partie de vous, elle est intégrante. Il n'y a pas pourquoi vouloir autre chose. Ben là, c'est agité, c'est formidable. Là, il y a des personnes qui comprennent très bien ce que je dis, puis il y a des personnes pour qui c'est du charabia. Eh ben, c'est super, tout va bien. C'est pas un souci. Puis il y a des personnes qui sont en joie, puis il y a des personnes qui vont juger. Et il n'y a pas de problème. C'est la nature humaine, c'est très beau. Donc, accueillez tout ça. Et parce que vous allez accueillir tout ça, vous allez ouvrir les portes à la non-dualité. À l'égalité en toute chose. Donc vous allez voir que les conséquences, elles sont nombreuses. Les conséquences positives, parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives à apprendre à méditer. Au début, oui, il peut y en avoir parce que l'ego est insatisfait, l'ego, il est impatient, l'ego, il se projette parce qu'il dit « moi, j'y arrive pas, j'ai toujours des pensées, on m'a dit qu'il fallait pas que je pense. » Ben, celui qui vous a dit ça, c'est pas un enseignant de méditation. Non, au contraire. Moi, je vous invite à laisser faire les pensées. Et si vous ouvrez n'importe quel livre spécialisé dans, notamment sur, dans le courant bouddhiste ou autre, sur la méditation, personne vous dira qu'il faut aller vers la non-pensée. Mais au contraire, de laisser aller les pensées, de les laisser passer, de les accueillir comme des nuages dans le ciel. La pensée, elle vient et puis elle s'en va. Ok, ben voilà, c'est très bien, c'était beau. Entre-temps, j'ai pas perdu mon temps parce que ça m'a rappelé qu'il fallait que j'achète aussi du poivre et puis des légumes. Donc voilà, c'est venu là, pendant mon assise. Ben, c'est excellent. Et puis il faut aussi que j'appelle la banquière, ça j'avais oublié. Ben voilà, c'est super, c'est un petit peu le mémo, quoi. Voilà, ce qui se passe là, ben voilà, c'est l'agitation du mental. Et c'est très bien. Voilà, comme ça, je joins l'utile à l'agréable, comme on dit. Et à un moment donné, tout ça, ça va s'apaiser. Parce que l'état de non-pensée, qui est l'état de méditation, c'est quelque chose qui va arriver un jour spontanément. Mais c'est pas quelque chose que vous allez chercher. Donc il n'y a rien à aller chercher, il y a juste à se poser, à fermer les yeux et c'est tout. Bien sûr, il y a l'assise qui doit être très confortable, il y a une assise qui doit être bien verticale, donc tout ça s'enseigne aussi, bien entendu. Hein, parce que si vous êtes les épaules voûtées, complètement avachies sur votre traversin, non, ça ne le fait pas. Hein. Donc voilà, tout ça, ce sont des petits détails, mais voilà, c'est pas ce soir qu'on va voir tout ça. Hein. Donc c'était vraiment pour bien comprendre que cet état de concentration, c'était vraiment la passerelle nécessaire pour ouvrir les portes à la méditation. Bien comprendre que tout ce que vous entendez en tant que méditation guidée, voilà, ça, ce sont d'autres pratiques. Hein? Pour certaines, même des raccourcis. Et puis après, pour les voies spirituelles, hein, pour les gens, pour les méditants déjà qui sont dans des courants spirituels, bon, ben, il y a les mantras qui sont chantés avec de la visualisation, avec de l'intention. Et ça, c'est aussi c'est un nettoyage. Hein, c'est pour développer des qualités, c'est pour nettoyer les empreintes négatives, certaines même c'est pour nettoyer le karma, etc., etc. Donc, on n'est pas, voilà, on n'en est pas là. Déjà, à notre petit niveau, comprendre que s'asseoir, se poser, fermer les yeux, et puis laisser aller les choses, c'est très reposant. Voilà. Plutôt que d'arriver chez soi, éreinté du travail, allumer la télé ou mettre de la musique, non, mettez-vous dans le silence. Alors c'est sûr que s'il y a des enfants qui sont là tellement heureux, bah, occupez-vous d'abord des enfants, hein. Comme ça ils sont contents, comme ça ils crient pas pendant des heures, hein. Vous les nourrissez un petit peu de votre amour et de votre présence, parce qu'ils sont heureux de vous revoir. Et puis une fois qu'ils sont détendus, qu'ils sont dans leur chambre, qu'ils sont tranquilles ou qu'ils dorment, bah, vous faites votre pratique. Il y a toujours un moment, de toute façon, où vous pourrez faire votre pratique. Voilà. Ah, c'est sûr que si après les enfants, c'est l'époux ou l'épouse qui vous embête, bah, bon, bah, là, vous contentez aussi l'époux et l'épouse. Et puis après, une fois que tout le monde dort, après vous pouvez faire votre pratique si vous vous endormez pas avant, bien entendu. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a des conditions de vie qui sont pas simples, hein, qui sont pas toujours propices à ce genre d'études. Donc ça va être à vous de vraiment de vous adapter, de trouver un lieu, un moment, un endroit qui vous est propre, hein, qui soit intime pour votre pratique, où vous êtes sûr de pas être dérangé, pas de téléphone, pas d'enfant, pas de rien. Et ça, c'est votre espace à vous. Et vous allez voir que en respectant cet espace-là, interne et externe, ça va vous faire le plus grand bien. C'est votre bulle d'oxygène. Et puis petit à petit, ça vous permet de relativiser, puis de lâcher. Et voilà, parce que plus votre esprit va être concentré et canalisé avec la connaissance derrière, bah, plus le reste autour n'aura plus tellement d'interaction avec vous-même. Hein? Et là, les qualités vont ressortir.